J'ai peur d'être encore blessé, mais j'ai toujours envie d'aimer. Toi tu jouais à la poupée, moi j'étais déjà allumé. Tu rêvais manteau de vison, et moi je perdais la raison. Toi tu veux encore être aimé, et moi j'ai peur d'être blessé. Tu crois encore au mot, toujours, moi j'en ai déjà fait le tour. Toi tu veux encore être aimé, mais moi j'ai peur d'être blessé. Tu rêves encore d'éternité, et moi je pleure d'exister. Mais dis-moi pourquoi tu t'en vas. Je ne sais pas. Prends-moi mon cœur, il est à toi. Je ne peux pas. Je n'attends de toi aucune promesse. Pourquoi pas? Mais je veux seulement que tu m'adresses. Je ne saurais pas. Tu sais, derrière mon blouson noir, mon cœur ne se bat que pour toi. J'avais aussi des idées noires qui disparaissent quand tu es là. Mais si tu es à bout de nerfs, par une semaine au bord de mer, j'aurais peut-être perdu ma guerre et sûrement perdu ma lumière. Tu dis que le temps nous éloignera. Moi je sais que rien ne m'arrêtera. Toi jamais tu ne comprendras ce difficile choix. Mais je sais que tout se passera avec toi. Mais dis-moi pourquoi tu t'en vas. Je ne sais pas. Prends donc mon cœur, il est je à toi. Ne pas. Je n'attends de toi aucune promesse. Pourquoi pas? Je veux seulement que tu me dresses. Je ne saurais pas. Mais tu espères changer les choses. Moi, j'ai trop peur de l'overdose. Tu sais que le chemin sera long. J'ai peur de ce que les gens diront. Toi tu attends que douceur et bonheur. Moi je ne redoute que mes pleurs. Et si on laissait faire les choses, la vie serait-elle moins morose? Toi tu espères changer les choses, mais la vie serait-elle moins morose? Oh, je t'en prie, reste avec moi. Je t'ai dit que je ne pars pas. Alors dis-moi pourquoi tu pleures. C'est sans doute que j'ai un peu peur. Oh, je t'en prie, reste avec moi. Je t'ai dit que je ne pars pas. On ne verra pas passer les heures. Laisse-moi parler ton cœur. Mais dis-moi, pourquoi tu t'en vas? Oh, je t'en prie, reste avec moi. Mais alors dis-moi pourquoi tu pleures. Oh, je t'en prie, reste avec moi. Mais dis-moi pourquoi tu t'en vas. Je ne sais pas. Prends donc mon cœur, il est à toi. Je n'attends de toi aucune promesse. Pourquoi pas? Je veux seulement que tu me dresses. Je ne saurais pas. Je t'ai dit que je ne pars pas, mais j'ai un peu peur de toi. À deux, on y arrivera.